De tous les oiseaux de la terre qui volent au-dessus de la mer, il y en a un que je préfère. Il vole comme les avions, plonge pour pêcher des poissons, se pose comme un papillon. Près des rivages ensoleillés, devant les plages abandonnées, il vient chercher le déjeuner qu'il rapporte à ses petits-enfants qui attendent bien sagement leur petit papa pélican. Jamais froid, ils étaient gentils, les boas. Et les petits bébés dauphins, même les singes aux yeux malins, nous ont fait bonjour de la main. Et quand je lui ai dit, je pense qu'elle me manquait un peu la France, aussitôt sur la mer immense, il m'a ramené à Paris.